Ben, je suis sûre que lorsqu'ils vont m'écouter, ils vont dire « Tu as débarqué chez le débile. » Mais t'es pas folle, non? Mais oui, j'en suis. Peut-être, mais... Je le sais, de toute façon, je me fais pas d'illusions sur moi-même. Mais on peut en dire autant de nous, de n'importe qui. Ouais, mais enfin, quand on a un certain niveau, de toute mais façon... Mais non, mais ça veut dire... Quand on a un certain niveau intellectuel, on a toujours la possibilité de s'en sortir par des mots, même s'ils cachent certaines choses qui ne sont pas toujours claires. Bon, alors que moi, les mots, je les ai pas. Tu comprends? Personne ne les a, les mots. Mais oui.